le ciel, et comme la tente déchirée d'un cirque pauvre dans un petit village de pêcheurs en Flandre. Le soleil est un fumeux quinqué, et tout au haut d'un trapèze, une femme fait la lune. La clarinette, le piston, une flûte aigre et un mauvais tambour. Et voici mon berceau, il était toujours près du piano, quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone, et l'école buissonnière, dans les gares, devant les trains en partance. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains derrière moi, Bâle, Tombouctou. J'ai aussi joué aux courses à Auteuil et à Longchamp, Paris, New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie, Madrid, Stockholm, et j'ai perdu tous mes paris. Il n'y a plus que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse, la Patagonie, et un voyage dans les mers du Sud. Je suis en route. J'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Jeanne de France. Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Blaise dit, « Sommes-nous bien loin de Montmartre ?»« Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis 7 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri du Sacré-Cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continues, la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleui. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Les inquiétudes, oublie les inquiétudes. Toutes les gares lézardées, obliques sur la route, les fils télégraphiques auxquels elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un accordéon qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie s'enfuient, et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses. Les démons sont déchaînés, ferrailles. Tout est un faux accord. Le broum broum broum des roues, choc, rebondissement. Nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Mais oui, tu m'énerves, tu le sais bien, nous sommes bien loin. La folie surchauffée beugle dans la locomotive. La peste, le choléra se lèvent comme des braises ardentes sur notre route. Nous disparaissons dans la guerre, en plein dans un tunnel. La faim, la putain, se cramponne aux nuages en débandade, et fiante des batailles, en tapuant de mort. Fais comme elle, fais ton métier. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Oui, nous le sommes, nous le sommes. Tous les boucs émissaires ont crevé dans ce désert. Entends les sonnailles de ce troupeau galeux, Tomsk, Tcheliabinsk, Kaïnsk, Obi, Taïchet, Verkhne, Oudinsk, Kourgan, Samara, Pensatouloun. La mort en Mandchourie est notre débarcadère et notre dernier repère. Ce voyage est terrible. Hier matin, Ivan Ulitch avait les cheveux blancs et Kolia Nikolaï Ivanovitch se rongeait les doigts depuis 15 jours. Fais comme elle, la mort, la famine, fais ton métier. Car l'univers me déborde, car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer, car je ne sais pas aller jusqu'au bout, et j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas aller jusqu'au bout. Comme mon ami Chagall, je pourrais faire une série de tableaux déments, mais je n'ai pas pris de notes en voyage. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers, comme dit Guillaume Apollinaire. Tout ce qui concerne la guerre, on peut le lire dans les mémoires de Kuropatkin ou dans les journaux japonais qui sont aussi cruellement illustrés. À quoi bon me documenter ? Je m'abandonne au sursaut de ma mémoire.